Chapitre 14e. Halte dans la nuit. Après Opoujenski par un chemin détourné, dit Malenkov au chauffeur en sortant de la ville, mais levant les yeux vers les fils télégraphiques. Hélas, ajouta-t-il, nous allons être signalés. Malcolm passa sa tête à l'intérieur pour prévenir le gangster qu'un nouveau danger venait de surgir. Mr. Bim était en train de s'asperger de parfum en ayant découvert un flacon dans l'élégant nécessaire de l'auto. « Stop, » dit-il, sans s'émouvoir. « Nous sommes assez loin de Moscou en ce moment. » Le chauffeur arrêta. Jerry descendit et, sous les yeux admiratifs de ses compagnons, donna un échantillon de son adresse. Quatre fois, il fit claquer son revolver et les quatre fils télégraphiques tombèrent brisés. « Petit exercice que nous renouvellerons de loin en loin, » déclara-t-il en réintégrant la voiture où, cette fois, il se roulait en boule dans les profondeurs moelleuses des coussins. « Réveillez-moi dans une demi-heure, s'il vous plaît. » Et il s'endormit. Malenkov connaissait heureusement chaque pouce du terrain. Comme il était impossible de ne pas traverser les villages, à moins de passer à travers champs, ils s'efforcèrent du moins d'éviter les villes. Au crépuscule, ils avaient atteint un bois épais qui dévalait jusqu'au grand lac au bord duquel était situé le saint village de Préopoujenski. Le chauffeur n'est pas aussi redoutable que je le craignais, dit Malenkov. Il a conduit Kornilov lorsque ce dernier était général de division et il veut bien partager les risques que nous allons courir. Vous inspire-t-il confiance? Dans une certaine mesure. Et puis, à moins de le tuer, nous sommes obligés de nous fier à lui. D'autre part, une chose importante était l'essence. Or, Peter, le chauffeur, avait assuré qu'il n'avait de grandes provisions pour l'armée après Obojenski et qu'il se chargeait d'en dérober en quantité suffisante pour faire rouler l'auto pendant une semaine. Quand la nuit fut tombée, les fugitifs descendirent de voiture, quittèrent le couvert des bois et marchèrent en file indienne le long d'un chemin charretier au bout duquel clignotaient les quelques lumières de Préopoujenski. La limousine avait été poussée dans un fourré et son emplacement marqué par un débris du miroir arraché à son cadre d'argent. « C'est le meilleur système, » avait dit Bim. « On gratte une allumette et la lumière se reflète dans le miroir. » Après avoir marché un certain temps, ils rejoignirent la grande route. « Nous sommes à deux pas du magasin d'approvisionnement militaire, mon petit général, » prévint le chauffeur. « Je vais me procurer de l'essence. »« J'ai confiance en vous, Arushka. »« Par la tête de ma mère, je ne trahirai pas, » répondit Peter, et il disparut dans l'obscurité. Restés seuls, les trois hommes tinrent conseil. « Autant que je me souvienne, » dit Malenkov, « Petrov est un grand marchand de soie, et sa maison est la première que nous rencontrerons dans cette direction. Je me la rappelle, étant venu dans ce village avec Sa Majesté lors de son couronnement. Préopoujenski est considéré par la maison impériale comme un lieu sacré. Pierre le Grand y est habité. » Ils se remirent en marche et arrivèrent en effet devant une bâtisse importante. La maison de Petrov était une grande construction en bois, chargée d'inutiles coupoles et de multiples dômes, de sorte qu'on aurait pu la prendre pour une des nombreuses églises du village. Au lieu de gravir le large perron de la façade, les trois amis pensèrent qu'il valait mieux signaler discrètement leur présence, se hasardèrent à lancer une poignée de gravier dans une des fenêtres du premier étage. La réponse fut immédiate. Quelqu'un poussa les volets et une voix demanda tout bas « Qui est là ?»« Nous venons de la part d'Irène, » dit Malcolm sur le même ton. La croisée se referma, puis des pas retentirent à l'intérieur et les fugitifs entendirent une porte s'ouvrir à gauche de la maison. Ils contournèrent celle-ci et furent introduits, toujours dans l'obscurité, par leur hôte invisible qui refermait le battant et le barra d'une chaîne. « Si c'est la première fois que vous venez, » dit-il, « longez le mur, il tourne brusquement à droite. » Ils obéirent, et lorsqu'ils furent dans le couloir transversal, leur guide les dépassa et les fit entrer dans une grande salle faiblement éclairée par la lueur d'un gros poêle. Arrivé là, l'hôte alluma une lampe à huile dont le rayon se projeta sur les rideaux des fenêtres hermétiquement clos et la lourde portière qui était retombée derrière eux. Ivan Petrov était un homme d'âge moyen, pauvrement vêtu, mais qui ne l'était maintenant en Russie. Il considéra d'abord ses visiteurs avec une certaine méfiance, sentiment que l'aspect de Bim justifiait en partie, car la respectabilité de son chapeau melon ne compensait pas l'effet menaçant de l'arsenal qu'il portait en guise de ceinture. Mais lorsque Petrov arrêta son regard sur Malenkov, son attitude changea complètement. Il lui tendit la main. « C'est vous, général ? Vous vous souvenez-vous d'être venu chez moi à Kiev ?»« Parfaitement. Mais j'ignorais qu'Ivan Petrov fut l'Ivan de l'Ukraine. »« Maintenant, que désirez-vous, messieurs ?» Malenkov raconta leur évasion et parla de la recommandation d'Irène. « Je ferai tout ce que désire son Altesse, » dit gravement Petrov. « Je l'ai vu hier et il m'a dit, en effet, avoir à Saint-Basile un ami auquel elle s'intéressait particulièrement. » Malcolm essaya, mais en vain, de paraître indifférent sous le regard que lui lança le général. « Je crois, » continua Petrov, « que son Altesse comptait vous faire rencontrer ici un autre personnage. » Il fit une pause. « Malheureusement, ce vieillard est parti, ce soir, pour Moscou, contre mon gré. » À son âge, Sekensky, interrompit Malcolm. Sekensky, répondit l'autre d'un ton bref. Je lui dis pourtant qu'il ne résulterait rien de bon de sa démarche. Son Altesse se marie cette nuit. Malcolm chancela. Elle se marie, répéta-t-il. Qui épouse-t-elle? Petrov baissa les yeux comme s'il ne pouvait proférer en face de ses hôtes une telle monstruosité. Bulba, le laquais.